Les branches de l'islam, c'est de ceux dont l'ignorance ou l'abandon n'entraîne pas l'ignorance de l'unicité d'Allah ou l'insoumission à la foi enseignée par son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela inclut entre autres tout ce qui a été objet d'abolition ou d'abrogation par Allah et qui différa d'un prophète à un autre ou qui ne peut être connu que par le biais du message d'un prophète. Allah a dit « À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. » Exemple de cela, le nombre de prières par jour, la manière de prier, les mouvements à y faire, la direction vers laquelle se tourner, l'obligation de la zakat, le montant de la période de celle-ci, l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, le nombre de séjours, ce qui l'invalide, etc. Et c'est ainsi pour tous les rituels prescrits par Allah, qui ne peuvent être devinés par l'être humain, mais qui au contraire nécessitent d'être pratiqués sur base d'instructions révélées par Allah et transmises par un messager. La règle est que connaître toutes ces choses n'est pas une condition pour être un musulman, tant que l'on cherche à les apprendre. Et la preuve de cette règle est qu'Allah a dit. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu ne savais ni ce qu'est le livre, ni ce qu'est la foi. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Mohamed al-Amin al-Shankati a dit au sujet de ce verset. Et donc, il, le prophète, que les prières d'Allah et son salut soient sur lui, ne connaissait pas les détails des prières prescrites, ni leurs heures, ni le jeûne du Ramadan, ce qu'il est permis d'y faire et de ce qui n'y est pas permis. Il ne connaissait pas les détails de la zakat, ce qu'il y est obligatoire, ni la quantité, ni le montant, ni les détails du pèlerinage, etc. Et c'est ça que signifie « tu connaissais pas ce qu'est le livre ni la foi ». Ceci nous prouve donc que le prophète ignorait les règles de la prière, de la zakat, du jeûne et des rituels en général, jusqu'à ce qu'Allah les lui révèle. Mais pourtant, il était quand même musulman, même avant de connaître ces choses. Mais il n'aurait pas pu être musulman s'il ignorait que seul Allah mérite d'être adoré, que seul Allah a créé les cieux et la terre, que seul Allah dicte les lois de la vie par lesquelles il tranche des disputes des gens, car cette connaissance est nécessaire pour connaître l'unicité d'Allah. Fait aussi partie des branches de l'islam, les informations concernant les attributs de l'être d'Allah, qui n'indiquent pas en soi la seigneurie ou sa divinité, comme ses mains, ses yeux, son visage, etc. En effet, nous ne disons pas qu'Allah est le seul Seigneur et le seul vrai Dieu à cause qu'il a deux mains, un visage ou deux yeux, mais nous disons qu'il est le Seigneur et le seul vrai Dieu parce qu'il est tout puissant et qu'il sait toutes choses, etc. Il y a donc une différence entre les attributs dont dépend la seigneurie et la divinité d'Allah et les attributs qui ne peuvent être connus que si Allah le révèle. Et aussi, les informations concernant la description du jour du jugement, du châtiment de la tombe, de l'éternité, du paradis et de l'enfer, etc. En effet, il n'est pas possible à un homme de connaître ces choses-là ou de savoir qu'Allah possède ces attributs tant qu'Allah ne l'a pas révélé. Et le fait de les ignorer n'implique pas d'ignorer qu'Allah est unique et tout-puissant, seul, digne d'être adoré. Allah dit, il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Et il dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression, sans droit et d'associer à Allah ce dont il n'a pas fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. Et chacun à vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Mohamed al-Amin al-Shankati a dit au sujet de ce verset, lorsqu'il dit dans ce noble verset, « Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi, Allah nous explique ici la grâce qu'il fit de ce noble prophète lorsqu'il lui enseigna le glorieux Coran alors qu'il ne le connaissait pas avant cela. Et lui enseigna les détails de la religion de l'islam qu'il ne connaissait pas avant cela. Donc lorsqu'il dit « tu ne savais pas ce qu'était le livre », c'est-à-dire « tu ne savais pas ce qu'est ce livre qui est le glorieux Coran, tant que je ne t'avais pas appris ». Et tu ne savais pas ce qu'est la foi, qui contient les détails de cette religion islamique, tant que je ne te l'avais pas apprise. On ne peut donc connaître d'Allah que ce qu'il veut. Et si Allah n'avait pas révélé à ses serviteurs qu'il possède deux mains, personne n'aurait pu le deviner de son propre intellect. Il n'est également pas possible de connaître le nombre de prières, ni la façon de les faire, ni même qu'elles soient obligatoires, tant qu'Allah ne l'a pas révélé à son prophète, et que ce dernier nous l'ait transmis. Il n'est pas possible de connaître l'obligation de la zakat, ni son montant, ni son moment, tant qu'Allah ne l'a pas révélé. Il n'est pas possible de connaître le jeûne, ni le mois du jeûne, ni sa durée, tant qu'Allah ne l'a pas révélé. Il n'est également pas possible de savoir que la viande de porc ou le vin ou les jeux de hasard sont interdits, tant qu'Allah ne l'a pas révélé à son messager, et que ce dernier le transmette,